yeux qui font baisser la mienne, mon rire qui sait baisser la bouche. Voilà les portraits, ça me touche, des langues laquelle j'appartiens. C'est la mer, on rue qui s'épaisse la bouche. Voilà les portraits sans retouche. Au revoir, bonne nuit. Quand il s'éprend des bois, il met.